إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Toujours dans la lecture et la traduction du tafsir de Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasser al-Sa'di رحمه الله تعالى. On continue avec l'explication de Sourate As-Saff, Sourate le rang. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate As-Saff, selon le sens, « Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, et il est le Tout-Puissant, le Sage. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » قال الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة الصف وهي مدنية وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره وذل جميع الخلق له تبارك وتعالى وأن جميع ما في السماوات والأرض يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسألونه حوائجهم وهو العزيز الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه الحكيم في خلقه وأمره يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون أي لم تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون به ومتصفون به فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال شعيب عليه السلام لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. Il dit, rahimahullah, ceci est une explication et une clarification de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa suprématie et le fait que l'ensemble des créatures sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala et que l'ensemble de ce qu'il y a dans les cieux et la terre glorifie Allah azza wa jal par sa louange. Il l'adore, Azza wa Jal, et adresse à Allah, Azza wa Jal, leur demande. Wa huwa al-aziz, le Tout-Puissant, celui qui a le dessus sur toute chose, par sa force et son pouvoir, subhanahu wa ta'ala. Al-Hakim, le Tout-Sage, dans sa création et dans ses commandements. Puis Allah, Azza wa Jal, dit, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est-à-dire, pourquoi dites-vous le bien? Et pourquoi encouragez-vous à faire le bien? Et il est possible même que vous vous en vantiez alors que vous ne le faites pas. Alors que vous ne faites pas, c'est-à-dire ce bien. Et vous interdisez le mal, et il est même possible que vous le niez à vous-même. C'est-à-dire que vous dites que ce mal, vous ne le faites pas. Alors que vous en êtes imprégné et que ce mal vous caractérise. Est-ce que cette situation est digne d'un croyant, ou bien cela est-ce une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas? C'est pour cela qu'il est demandé à celui qui ordonne le bien d'être parmi les premiers à le faire, et à celui qui interdit un mal d'être la personne qui s'en éloigne le plus. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Baqara, le verset 44, « Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous dépourvu de raison ?» Et Shu'aib alayhi salam a dit à son peuple, « Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. » ثم قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله سبحانه وتعالى dit dans le quatrième verset de sourate As-Saff, selon le sens, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, tel un édifice renforcé. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله وتعليم لهم كيف يصنعون وأنه ينبغي لهم أن يصفوا في الجهاد صفا صفا متراصا متساويا من غير خلل يقع في الصفوف وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. Il dit, rahimahullahu ta'ala, que ceci est un encouragement de la part d'Allah azawajal envers ses serviteurs d'accomplir ou de lutter dans son sentier. Et Allah azawajal leur enseigne comment est-ce qu'ils doivent procéder et qu'ils se doivent d'être en rang dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ces rangs doivent être serrés et droits. Ils ne doivent comporter aucun défaut, et que ces rangs doivent être ordonnés, de telle sorte que l'équité entre les différents combattants soit présente, et qu'il y ait entre eux une entraide, et que cela fasse, et ainsi cela fera fuir l'ennemi, et sera également une source de motivation entre les croyants. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'apprêtait à entrer dans le combat, il mettait en rang ses compagnons radiallahu anhum et leur donnait une tâche à respecter, de telle sorte que les uns ne se reposent pas sur les autres, mais que chaque groupe soit ait une responsabilité qui lui est propre. Et c'est de cette façon que peuvent se conclure les actions de façon parfaite. ثم قال تعالى وإذ قال موسى لقومه لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله عز وجل dit dans le cinquième verset de sourate As-Saff selon le sens, et quand Moussa dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous? Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne quitte pas les gens pervers. قال الشيخ السعدي رحمه الله وإذ قال موسى لقومه موبخا لهم على صنيعهم ومقرعا لهم على أذيته وهم يعلمون أنه رسول الله لما تؤذونني بالأقوال والأفعال وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ والرسول من حقه الإكرام والإعظام والانقياد بأوامره والابتدار لحكمه. وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله، ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال: فلما زاغوا، أي انصرفوا عن الحق بقصدهم، أزاغ الله قلوبهم، عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها، ولم يوفقهم الله للهدى، لأنهم لا يليق بهم الخير، ولا يصلحون إلا للشر. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم، لا لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب، عقوبة لهم وعدلا منه بهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Il dit, rahimahullahu ta'ala, en expliquant ce cinquième verset. Et lorsque Moussa dit à son peuple, en leur reprochant ce qu'ils ont fait, et en les blâmant sur le fait qu'ils le maltraitent, alors qu'ils savent pertinemment que c'est l'envoyé d'Allah, « Limat udhunani, pourquoi me maltraitez-vous à travers des paroles et des actes ?» alors que vous savez que je suis vraiment le messager d'Allah à vous. Et le prophète, son droit est qu'il soit honoré et que ses ordres soient obéis. Quant au fait de porter atteinte au prophète, dont la bienfaisance envers les créatures est au-dessus de toute bienfaisance hormis la bienfaisance d'Allah. C'est donc une immense impudence et c'est une déviance du droit chemin que de porter atteinte à un prophète dont ils savent qu'il est prophète, mais malgré cela, ils l'ont délaissé. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit par la suite « Falamma zaghou » puis quand ils dévièrent, c'est-à-dire lorsqu'ils ont dévié de la vérité en tout état de cause. أزاغ الله قلوبهم, Allah fit dévier leur cœur, c'est-à-dire en guise de châtiment pour eux. En guise de châtiment pour eux, Allah Azza wa Jal dévia leur cœur, car ils ont eux dévié du droit chemin de façon délibérée et ils ont accepté cela pour eux. Ainsi, Allah Azza wa Jal ne leur a pas facilité la guidée, car ils ne méritent pas le bien et ils ne sont bons qu'au mal. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allah ne guide pas le peuple des pervers. C'est-à-dire que la perversité est ce qui les caractérise. Ils n'ont donc la guidée n'est donc pas leur but. Et il dit rahimahullah que ce verset nous montre que l'égarement d'Allah d'un de ses serviteurs n'est pas une injustice d'Allah envers ce serviteur. Et ce n'est pas également une preuve de ce serviteur contre Allah. Et ceci est une réponse également à ceux qui se justifient de la prédestination pour justifier leur péché. Ceux qui utilisent la prédestination pour justifier leur péché. Quand tu lui dis « Akhitaqillah » fait la prière, il dit « Allah en a voulu ainsi. Si je ne fais pas la prière, c'est qu'Allah me l'a prédestiné. » Pour cela qu'ici, Cheikh Saadi dit « Wala hujjatan lahum alayhi » c'est-à-dire que ce n'est pas également une preuve de leur part contre Allah. Mais cela, c'est-à-dire cette déviation et cet égarement, est dû, en sont la cause. Ils en sont eux la cause. Car ils ont fermé sur eux la porte de la guidée après l'avoir connue. Ainsi Allah Azza wa Jal les rétribue en les égarant et en les déviant de telle sorte qu'ils ne puissent repousser cet égarement et cette déviance. Et Allah Azza wa Jal retourne leur cœur en guise de châtiment envers eux et de par une justice de sa part, subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit Azza wa Jal dans le verset 110 de Sourate Al-An'am, parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux, nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion. ثم قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في الله سبحانه وتعالى دي selon le sens dans les versets 6 à 7 de Sourate As-Saff. Et quand Isa, fils de Mariam, fils de Marie, dit « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. » Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent « C'est là une magie manifeste. » Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam, et Allah ne guide pas les gens injustes. Ils veulent éteindre par leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des polythéistes. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عناد بني إسرائيل المقدمين الذين دعاهم عيسى بن مريم وقال لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم أي أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر وأيدني بالبراهين الظاهرة ومما يدل على صدقي كوني مصدقا لما بين يدي من التوراة أي جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية ولو كنت مدعيا للنبوة لجئت بغير ما جاءت به المرسلون ومصدقا لما بين يدي من التوراة أيضا أنها أخبرت بي وبشرت فجئت وبعثت مصداقا لها ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب النبي الهاشمي فعيسى عليه السلام فعيسى عليه الصلاة والسلام كالأنبياء يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمر والنهي فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بشر به الذي بشر به عيسى بالبينات أي الأدلة الواضحات الدالة أنه هو وأنه رسول الله حقا قالوا معاندين للحق مكذبين له هذا سحر مبين. وهذا من أعجب العجائب، الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبين من شمس النهار يجعل ساحرا بينا سحره، فهل في الخذلان أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء أعظم من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوما من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس منه؟ الجي رحمه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى informe de la rébellion des fils d'Israël lorsque Isa, fils de Marie, leur a dit: Ô fils d'Israël, je suis l'envoyé d'Allah à vous. C'est-à-dire qu'Allah m'a envoyé pour vous appeler au bien et pour vous interdire le mal. Et il a appuyé mon envoi par des preuves évidentes qui prouvent ma véracité. Et je suis également un confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi. C'est-à-dire que je suis venu avec ce avec quoi est venu Moussa dans la Torah, comme législation divine. Et si je prétendais la prophétie, eh bien, je serais venu avec une chose différente de ce qu'ont apporté les prophètes. Et je considère véridique également, je suis confirmateur également de ce qui a été révélé avant moi dans la Torah. Cette Torah qui a informé de moi et a annoncé ma venue. Je suis donc venu pour confirmer cette Torah. Autrement dit que la venue de Isa alayhi salam était annoncée dans la Torah. Et l'on verra par la suite que chaque prophète vient confirmer le message qui l'a précédé et annoncer la bonne nouvelle du message qui va lui succéder. Hormis notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le dernier des prophètes. Wa mubashiran, et je suis également un annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed, qui est Mohammed ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib, le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Isa alayhi salatu wa salam, comme les autres prophètes, ont confirmé le prophète qui les a précédés et annonce la bonne nouvelle du prophète qui va lui succéder, contrairement aux menteurs. Ils contredisent les prophètes de façon évidente. Ils les contredisent dans leur façon d'être, dans leur comportement, mais également dans leurs ordres et dans leurs interdits. Falamma ja'ahum, puis quand celui-ci vint, c'est-à-dire quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont Isa alayhi salam a annoncé la venue, lorsqu'il vint à eux avec des preuves évidentes, des preuves claires qui prouvent que c'est lui, le prophète d'Allah azza wa jal, véridique. Qalu, ils ont dit, en rejetant la vérité et en le traitant de menteur, هذا سحر مبين, cela est une magie manifeste. Et Cheikh Saadi rahimahullah dit, et cela est une chose des plus étonnantes. Un prophète dont le message est plus que clair. Il est aussi clair que le soleil en pleine journée. Que ce prophète soit considéré comme un magicien dont la magie est claire, car ils ont dit Hada sihrun mubin. Ceci est une magie manifeste, c'est-à-dire claire et évidente. Il dit, rahimahullah, que ce prophète dont le message est véridique et clair, comme le soleil est clair, faire de ce prophète ou considérer ce prophète comme étant un sorcier dont la sorcellerie est évidente, il dit, rahimahullah, quelle lâcheté est plus grande que celle-ci? Et quelles calomnies et mensonges sont plus grands que ceux-ci? ثم قال رحمه الله ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بهذا وغيره والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته لأنه يدعى إلى الإسلام ويبين له ببراهينه وبياناته والله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا برهان خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه ولينصروا الباطل ولهذا قال الله عنهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم أي بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحق وهي لا حقيقة لها بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطل والله متم نوره ولو كره الكافرون أي قد تكفل الله بنصر دينه وإتمام الحق الذي أرسل به رسله وإشاعة نوره على سائر الأقطار ولو كره الكافرون وبذلوا بسبب كراهتهم كل سبب يتوصلون به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلوبون وصاروا بمنزلة من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها. Puis il dit rahimahullah, la parole d'Allah Azza wa Jal, et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah par ceci ou autre, c'est-à-dire en prétendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un sorcier. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah par ceci, c'est-à-dire par ce qui a été cité précédemment, ou par toute autre forme de mensonge, alors que ces personnes n'ont pas d'excuses. Car Allah Azza wa Jalla dit « Yud'a ila l'islam » alors qu'il est appelé à l'islam. Comment cette personne peut-elle proférer des mensonges contre Allah alors qu'elle est appelée à l'islam et qu'on lui explique l'islam avec ses preuves évidentes? Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah ne guide pas le peuple des injustes, ceux qui ne cessent d'être dans leur injustice. Ne les détourne de cette injustice ni exhortation. Et ne les repousse de cette injustice ni explication ni preuve. Et ceci, plus particulièrement, ces injustes qui font face à la vérité pour la rejeter et pour donner victoire au faux. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit à leur sujet « يُرِدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ » Ils veulent éteindre par leur bouche la lumière d'Allah, c'est-à-dire par leur bouche, c'est-à-dire ce que profère leur bouche comme paroles mauvaises, des paroles à travers lesquelles ils rejettent la vérité, des paroles qui sont infondées, des paroles qui n'ajoutent aux clairvoyants que la certitude de leur égarement, c'est-à-dire le clairvoyant qui écoute ces paroles que profèrent ces injustes, quelqu'un qui a encore sa raison ne peut en écoutant ces paroles qu'avoir la certitude qu'ils sont dans l'égarement. Wallahu mutimmu nurihi wa law kariha al-kafirun. Allah parachève sa lumière n'en déplaise aux mécréants. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend en charge de donner la victoire à sa religion. Et de soutenir la vérité par laquelle il a envoyé ses prophètes. Et Allah Azza wa Jal diffuse sa lumière sur l'ensemble des terres, et cela n'en déplaise aux mécréants, même s'ils mettent en œuvre toutes les causes qui, par lesquelles ils veulent éteindre la lumière d'Allah, ils seront au final vaincus. Et ils seront comparables. Ici, Cheikh Saadi dit, et ils seront comparables. C'est-à-dire ceux qui mettent en œuvre, quelle que soit la cause qui est mise en œuvre pour éteindre la lumière d'Allah, il dit, rahimahullah, ils sont comparables à celui qui souffle avec sa bouche sur le soleil pour l'éteindre. Celui qui souffle avec sa bouche sur le soleil pour l'éteindre, comme il veut éteindre une bougie. Ainsi, ils ne pourront atteindre leur but et leurs raisons seront sujets à critique. Est-ce que l'on remet en cause la raison de celui qui veut éteindre le soleil avec le souffle de sa bouche? Est-ce qu'on remet en cause sa raison? Est-ce qu'on dit qu'il a une raison? Non. De la même façon, celui qui met en œuvre des causes pour éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal, il n'atteindra pas son but et cela fera en sorte que les gens remettent en cause l'existence d'une raison pour cette personne. ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي الحسي والمعنوي فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والعمل الصالح بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة ودين الحق أي الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد فما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه وهو برهان باق ما بقي الدهر كلما ازداد به العاقل تفكرا ازداد به فرحا وتبصرا ليظهره على الدين كله أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان فأما نفس الدين فهذا الوصف ملازم له في كل وقت فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه وصار له الظهور والقهر وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذلك وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم ويعرف هذا من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal, هو الذي أرسل رسوله بالهدى, le verset 9 de Surat As-Saff. Puis Allah subhanahu wa ta'ala cite la cause, cite le pourquoi de la suprématie de l'islam et explique la raison pour laquelle l'islam connaîtra la victoire et la suprématie. Il dit Azza wa Jal, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, c'est-à-dire avec la science bénéfique et les œuvres vertueuses. Bilhuda, la guidée ici, c'est la science bénéfique. Et la religion de vérité, c'est-à-dire l'acte pieux ou les actes pieux. Par la science qui guide vers Allah et vers sa demeure éternelle. Une science qui guide vers les meilleurs des actes et des comportements. Une science qui guide vers les bienfaits de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Wadin il-haq est la religion de vérité, c'est-à-dire la religion que l'on doit adopter. La religion à travers laquelle on adore le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, la religion qui est vérité et qui est véridique, une religion qui ne connaît aucun manquement, une religion qui ne connaît aucun défaut. Au contraire, les commandements de cette religion sont une nourriture pour les cœurs et pour les âmes. Et les commandements de cette religion sont un repos, une quiétude pour les corps. Et le délaissement des interdits de cette religion sauve de tout mal et de tout désordre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce avec quoi il a été envoyé comme guidé et religion de vérité, est la preuve la plus grande et la plus parlante de la véracité de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette preuve ne cessera d'exister tant que ce monde existe. Et celui qui médite sur cette religion ne pourra qu'augmenter sa joie, c'est-à-dire de faire partie de ceux qui adoptent cette religion, et augmentera également sa clairvoyance. Car plus il méditera sur cette religion et sur les biens qu'elle apporte et les maux dont elle épargne, eh bien cela ne pourra qu'augmenter sa clairvoyance et il se rendra compte de façon plus sûre encore que c'est bel et bien la religion d'Allah Azza wa Jal. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Pour la placer, c'est-à-dire cette religion, au-dessus de toute autre religion. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va élever cette religion au-dessus de toutes les autres religions. Il va l'élever par la preuve et par les arguments. Et va élever ceux qui adoptent cette religion par la lutte dans son sentier, subhanahu wa ta'ala. Quant à cette religion, le fait qu'elle soit élevée la caractérise en tout temps. C'est-à-dire que la religion musulmane est toujours au-dessus des autres religions. Il n'est pas possible que l'on puisse prendre le dessus sur elle. Celui qui la contredit, eh bien, cette religion le coupera et le fendra. Cette religion aura donc et a le dessus et la suprématie. Donc ici, Cheikh Roussadi parle de la religion musulmane en tant que religion. Puis il dit « وَأَمَّا الْمُنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ » Quant à ceux qui s'affilient à cette religion, autrement dit les musulmans, s'ils mettent en pratique cette religion et suivent la lumière de celle-ci et suivent la guidée de cette religion, alors, de la même façon, personne ne pourra avoir le dessus sur eux. Et ils auront la suprématie sur les autres adeptes des autres religions. Par contre, s'ils délaissent cette religion et s'ils se contentent uniquement de s'y affilier, alors cela ne leur sera en aucun cas profitable. Au contraire, leur manquement vis-à-vis de cette religion, vis-à-vis de l'islam, fera en sorte que les ennemis de l'islam aient le dessus sur eux. Et cela est connu pour celui qui suit de façon méticuleuse la situation des musulmans, depuis le premier des musulmans jusqu'au dernier. Autrement dit, que les musulmans, Allah Azza wa Jalla ne leur accorde la suprématie et la victoire que s'ils s'accrochent à leur religion. Et qu'Allah Azza wa Jalla peut infliger l'humiliation et la bassesse à des musulmans s'ils ne se conforment pas à la religion. Et Allah Azza wa Jalla a même infligé la défaite à qui ? À qui ? Aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans la bataille de Uhud, les savants disent qu'Allah Azza wa Jalla a infligé la défaite aux meilleurs des musulmans après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cause d'une seule désobéissance. Un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas écouté, certains ne l'ont pas écouté, et Allah azza wa jalla a infligé la défaite à tous. Et il a infligé à ceux dont il est agréé, subhanahu, dont ceux qu'il agréé, radiyallahu anhum wa radu an. Allah est agréé d'eux et lui et eux sont l'agréé, subhanahu wa ta'ala. On s'arrête ici pour l'explication de sourate As-Saff qu'on continuera inshallah ta'ala jeudi. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.